à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM, pour cette 11e chronique de Mille et une histoires de tatouages. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la définition des motifs et contours du tatouage japonais, de quelques termes japonais, du symbolisme de ces tatouages à quelques exemples, ce qui a mis fin à l'histoire des tatouages japonais. Puis nous avions parlé du style lettrage et ou calligraphique, pour finir avec le motif du pommier et de la pomme. Dans cette nouvelle chronique, nous parlerons des pigments et solvants du tatouage occidental, de l'entraînement et de la formation du tatoueur, nous discuterons ensuite d'un style de tatouage et finirons avec un motif et ses significations. Démarrons sans plus attendre. Il faut savoir que l'encre noire utilisée dans le tatouage occidental n'est pas exactement la même que celle utilisée pour les tatouages de type Irezumi. En effet, dans ce dernier, l'encre utilisée est traditionnellement préparée par l'apprenti, alors que l'encre utilisée dans le tatouage occidental est achetée sur des sites spécialisés avec plusieurs composants que nous allons voir tout de suite. Commençons par l'encre noire. Celle utilisée autrefois était produite traditionnellement à partir d'encre de Chine. Aujourd'hui, elle est produite avec des cristaux de magnétite, de ustitite, une espèce minérale de l'oxyde de fer que l'on peut trouver en traces de surface sur le fer natif ou les météorites, avec du carbone issu de la combustion de matières organiques, par exemple du noir d'os, qui peut contenir du plomb qui s'accumule le plus, comme son nom l'indique, dans l'os. Du carbone amorphe de combustion, ce carbone est une forme simple de carbone ne possédant pas de structure cristalline, contrairement au graphite et au diamant, par exemple. Ce carbone est aussi appelé suie, et il peut contenir des traces de métaux indésirables et des hydrocarbures aromatiques polycliques, surnommés HAP, dangereux comme le benzopyrène ou benzoanthracène. Je ne rentrerai pas plus en détail dans ces termes chimiques, mais libre à vous de vous renseigner. Les couleurs, quant à elles, sont produites avec différents types de matériaux, comme les sels purs d'aluminium, du chrome, du cobalt, du fer, du mercure, du cuivre, et quelques autres issus de l'industrie chimique ou à partir d'une association polymétallique, du sélène au sulfure, de cadmium ou du chromate de plomb, etc. Il est bien sûr possible de mélanger tous ces pigments entre eux afin de donner des nuances particulières ou de former des dégradés. Avant, l'on utilisait aussi divers pigments d'origine végétale. D'ailleurs, le jaune de curcuma l'est encore. Il faut cependant savoir que certains de ces pigments sont très toxiques, comme le plomb, le cadmium, le mercure ou encore le chrome. Les producteurs d'encre pour tatoueurs utilisent aussi la malachite, une espèce minérale du groupe des carbonates minéraux, des ferrocyanures ou des ferricyanures, tous deux anions d'un sel complexe présenté sous la forme de cristaux jaunes citron, solubles dans l'eau et insolubles dans l'éthanol. Cependant, des produits naturels réputés non toxiques peuvent être utilisés. Pour l'ocre, en faisant un mélange d'argile et d'oxyde de fer, et des rouges de naphtol sont synthétisés à partir de naphte, qui désigne les affleurements de pétrole que l'on trouve au Moyen-Orient et en Asie centrale, qui sont dits moins allergènes et moins toxiques que les autres rouges, mais qui peuvent néanmoins susciter des allergies. Les sels de métaux ou d'autres pigments sont des poudres qui doivent être mises en solution dans un solvant. En général, de l'eau déminéralisée avec des additifs tels que la glycérine ou de la listérine et de l'alcool pour la désinfection et la consistance. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les encres et les compositions, il faut se rendre chez un tatoueur qui, avant de tatouer sur un client, aura plusieurs possibilités pour s'entraîner. Pour celui-ci, il est possible de faire l'acquisition de kits de peau synthétique qui se rapprochent beaucoup de la texture de la peau humaine, ce qui permet un entraînement en toute sécurité avant la réalisation de vrais tatouages. Mais ce n'est pas tout. En effet, connaissez-vous l'animal qui a une peau qui se rapproche de celle de l'homme? Oui, c'est bel et bien le porc. Il est donc aussi possible de s'entraîner sur de la peau de porc. Cependant, il n'existe véritablement qu'une seule formation, l'expérience. Car chaque peau est différente. C'est à force de pratique que le tatoueur s'habituera à la texture et aux réactions de la peau humaine. Comme vous avez pu l'entendre, les encres sont pour la plupart faites de produits plus ou moins chimiques. Et même s'il en existe à base de produits naturels et autres pigments d'origine végétale, vous serez plus ou moins obligé de vous faire tatouer avec des encres chimiques. Passons à présent à la seconde partie de cette chronique, un style de tatouage. Le style du jour est le style gothique. Diverses origines sont les bases des styles de tatouage, et bien que l'évolution du tatouage a permis de voir le jour à certaines d'entre elles, à sa popularisation, au perfectionnement des outils et des techniques de tatouage, il y en a encore quelques-uns qui tirent l'origine des pratiques traditionnelles, qui ont donné le jour à l'art du tatouage même. Cependant, il y en a qui sont dans aucun de ces deux cas, et qui s'inspirent de l'univers d'autres arts. Le tatouage gothique, en est un. Voici son histoire. Entre la fin des années 1970 et les débuts des années 1980, un courant artistique voit le jour. Le mouvement gothique. Ce courant de contre-culture qui est apparu au Royaume-Uni succède au mouvement du punk et du post-punk. Il est aussi inspiré de diverses tendances cinématographiques. En effet, il est partiellement inspiré du cinéma allemand, du courant expressionniste, mais aussi de l'univers fantastique et de la littérature gothique. Peu à peu, le mouvement s'est répandu en Europe, mais aussi et surtout aux États-Unis. À l'époque où le tatouage commençait juste à faire fureur, c'est avec évidence que le tatouage gothique s'y afficha. Le tatouage gothique est donc un style qui, comme son nom l'indique, utilise des éléments du mouvement gothique. Et comme dit plus tôt, c'est au moment où le mouvement gothique est lancé en Europe que, aux États-Unis, le style apparaît. Nous sommes au début des années 1980. Le tatouage est déjà présent sur place depuis plusieurs décennies. Cependant, avec les préjugés sociaux, il n'est encore pas totalement accepté. En effet, les personnes au statut social particulier sont addictes au tatouage. Prisonniers. Motards, membres de gangs et toute autre personne à l'écart de la société se revendiquent par le style du tatouage gothique. Mais à quoi reconnaît-on un tatouage gothique ? Si on se fie à l'univers duquel le tatouage gothique est né, il est aisément simple d'imaginer les différents motifs que l'on trouve dans ce style. Les films d'horreur, ces types de créations cinématographiques ont acquis une certaine réputation durant les années 1980. À l'époque, ceci facilitait les inspirations en matière de tatouage, mais c'est d'autant plus vrai encore aujourd'hui. Crâne ensanglanté, tête de mort associée à des serpents, aigle géant aux yeux féroces bien dessinés sont ainsi les motifs récurrents de tatouages gothiques. Mais ce ne sont pas les seuls. Les vampires ou les squelettes se sont aussi souvent retrouvés dans l'art quand il s'agit de tatouages gothiques. Vous vous demandez peut-être quel est le tatouage gothique idéal. Il faut tout d'abord savoir que certains critères sont importants à relever. Le gothique est souvent apprécié par les amoureux du rock et de punk. Un tatouage gothique, souvent fait pour le fun, doit faire frissonner. Pour cela, un motif tatoué en grande taille est l'idéal. En effet, le minimaliste ne convient pas vraiment à ce style. Pour ce qui est des couleurs, il vous faut soit choisir des couleurs très vives ou des couleurs ternies. C'est un style qui joue aussi sur l'esthétique. Cependant, celle-ci mise sur la déformation des lignes et sur l'irrégularité des traits pour véritablement intriguer, faire frissonner et être contre-culture. Donc, si vous êtes dans le monde du rock ou du punk, que vous voulez faire peur et que vous êtes passionné par les films d'horreur, alors ce style de tatouage vous conviendra parfaitement. Rendons-nous à la dernière partie de cette chronique, un tatouage et ses significations. Le tatouage du jour est le cerisier. Alors que les animaux dont le rôle et l'influence sur l'univers du tatouage sont aujourd'hui indéniables, les végétaux ont également une place de choix. Et lorsque l'on parle de ce dernier dans le monde des tatoués et des tatoueurs, l'on pense souvent aux roses, aux fleurs, à l'arbre en général, à quelques espèces d'arbres qui ont su se démarquer par leur importance et les profondes significations qu'elles revêtent. Ce qui est le cas du tatouage cerisier. Célèbre dans le tatouage japonais et asiatique, il est aujourd'hui également répandu dans l'Occident. Parlons tout d'abord de la fleur de cerisier. Celle-ci est un organe floral éphémère poussant sur des arbres appelés cerisiers. Elle est généralement d'une teinte rose pâle, cependant il est possible qu'elle prenne d'autres teintes. En Extrême-Orient, plus précisément en Chine et au Japon, elle a de très importantes symboliques et a différentes fonctions comme la décoration et l'ornement, mais aussi le tatouage cerisier. Comme dit plus tôt, cette fleur a plusieurs symboliques. Au Japon par exemple, il y a toute une croyance religieuse qui se bâtit autour du cerisier. Ces fleurs sont symboles d'évolution, de changement, de transition, ce qui vise à dire qu'il ne faut pas s'attacher aux choses, car le temps avance toujours et donc que l'on est appelé à les perdre. Les samouraïs avaient un rapport particulier avec elles, signe de loyauté et d'honneur en découle donc. Ils avaient plusieurs habitudes, l'une d'entre elles consistait à se faire tatouer un cerisier, afin de représenter le sang, de rappeler que la vie était fragile et qu'ils avaient décidé de sacrifier la leur. Ils pouvaient donc la perdre à tout moment. Sakura est le nom qui désigne la fleur de cerisier en japonais. Elle se réfère à la douceur, à la tendresse féminine et à la délicatesse. Les fleurs de cerisier révèlent tout leur charme au printemps, mais s'effritent étonnamment pendant les autres saisons. Le tatouage cerisier signifiera qu'il faut profiter au maximum de la vie et que les belles choses durent parfois peu longtemps. Ces significations sont présentes au Japon, mais en Chine, elles ont aussi de nombreuses autres significations qui diffèrent de celles japonaises. Cependant, comme dans cette dernière, les fleurs n'apparaissent que de façon éphémère, mais elles sont tout de même capables de pousser dans les conditions défavorables. Cette fleur est donc associée à la résistance, à l'endurance et à la domination. Les préceptes bouddhistes rejoignent quant à eux les préceptes japonais sur le sens du tatouage cerisier. À savoir que la vie et toute chose en elle revêtent une certaine temporalité. La vie est transformation. En Occident, toutes ces significations de douceur, de tendresse peuvent être entrevues dans le tatouage cerisier. Et bien qu'il soit très apprécié par les femmes, certains hommes le choisissent aussi pour se le faire tatouer. Le tatoué pourrait opter pour du noir plutôt que le rose standard des fleurs. Il est possible aussi d'incorporer un tatouage cerisier dans un autre tatouage afin de créer un tatouage multimotif. C'est après au tatoueur de travailler les motifs afin de les rendre les plus masculins possibles. Pour ce qui est de l'emplacement, le tatouage cerisier est le plus souvent reproduit en géant dans le dos, sur les flancs ou même entourant un bras ou une jambe. Donc si vous recherchez un tatouage aux significations de tendresse, de délicatesse, d'éphémèrement de la vie, de douceur, de résistance, d'endurance ou de domination, le tatouage cerisier est fait pour vous. Et comme vous avez pu l'entendre, même si vous êtes un homme, vous pourrez vous faire tatouer ces motifs. Il faudra juste que votre tatoueur fasse en sorte via les contours ou les couleurs que les fleurs fassent plus masculin.